le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercient de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Donc, l'enregistrement, évidemment, de cette rétrospective de l'année 2020 a été fait la semaine dernière, évidemment, qu'on l'a fait avec Mark Griffin. On n'a pas été en mesure, évidemment, de parler du décès de Derek O'Quinn qui est sonné dimanche, et également du décès de Phil Niekro. Donc, on écoute la rétrospective de l'année du Dans le monde du baseball avec Jacques Doucet. On a fait la rétrospective du baseball avec Mark Griffin. On va faire sa partie également avec Jacques Doucet. Salut Jacques! Salut, Danny. Jacques, toi, l'année 2020, c'était une année quand même assez bizarre aussi dans le baseball. Hein. On devait avoir une saison de 162 matchs, puis ça a viré qu'une saison de 60 matchs. Exactement. Ben, écoute, tout le monde a été pris un petit peu au dépourvu avec l'arrivée de la COVID-19. Ouais. Et il a fallu réagir. Et le baseball majeur, je pense qu'il a très bien réagi. Et d'ailleurs, oui, il y a eu quelques écarts de conduite. Il y a des joueurs qui ne respectaient pas le protocole, mais dans l'ensemble, les équipes, le baseball majeur, les joueurs ont très bien réagi, puis on a tiré le profit maximum d'une série ou d'une saison assez inusitée. Mais il y a eu les Marlins à Floride, il y a eu, je pense, les Indiens Cleveland également, qui ont eu, surtout les Marlins qui ont été les plus... je pense qu'il y avait 11 joueurs, je pense, à COVID. C'est ça, et puis ça a été assez exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le gérant de l'année dans la Ligue nationale, ça a été Don Mattingly. Ah oui, c'est. Et puis les Marlins, écoute, ils ont quand même eu une belle saison. On va peut-être en parler plus tard, mais avec les jeunes qu'ils ont. Il faut parler également. Ah oui, c'est une équipe. Ouais. C'est une équipe qui est en ascension. Évidemment, ils ont été les parents pauvres de la Ligue nationale dans la Division S pendant un bon bout de temps, mais là, ils sont en train de se replacer, et avec l'arrivée de nouveaux dirigeants. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'on a nommé une femme comme directeur gérant, et ça, c'est quelque chose vraiment de fantastique pour le baseball majeur, parce qu'il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont se retrouver à des postes de commande. Et en ce qui me concerne, moi, la seule ombre au tableau, c'est qu'à part de Mme Neng, il n'y a pas eu 30 ans, beaucoup de minorités qui ont été nommées à des postes de directeur gérant, encore une fois, cette année. Mais ça va devenir, je pense que la barrière est faite. Fait que, à un moment donné, ça va venir quand même que... Je pense qu'il va en avoir, on va en voir de plus en plus. Les Dodgers de Los Angeles avaient échoué les deux dernières années. Cette année, on est allé chercher Mookie Betts et ils ont remporté la Série mondiale contre les surprenants Rays. C'est un bobé. Oui, écoute, puis dans le cas des Rays, je pense que le gérant Kevin Cash doit encore rêver. Pourquoi ai-je pris la décision de changer mon lanceur partant? Je pense que ça va le hanter même pendant la saison prochaine. Parce que tu sais, ça a été le point tournant, je pense. Évidemment, on ne sait jamais qu'est-ce qui serait passé si on ne l'avait pas changé, le lanceur partant. Mais disons que la façon dont il lançait, c'était assez surprenant de le voir se faire envoyer aux douches si rapidement. Mais c'est, il y a des décisions dans le sport professionnel qui marquent un gérant. Hein. Je pense à toi, tu as Pete Carroll quand il n'avait pas donné le ballon à Marshall Lynch, tu as Wayne Gretzky qui s'était fait. Ah oui, oui, oui. Je pense que Blake Snell, Kevin Cash va en entendre parler pas mal longtemps. Ah oui, oh, oui, ça va le suivre le restant de sa carrière. OK. Du côté des Blue Jays de Toronto, moi, c'est une année vraiment que j'ai aimé. J'ai aimé l'année des Blue Jays. C'est une progression. On a fait les séries, des séries quand même à 16 équipes, mais ils ont fait quand même. Ça a fait en sorte qu'ils ont ils ont perdu en deux matchs contre les Rays, mais c'est l'expérience qui rend. Ben écoute, Charlie Montoyo était parmi les candidats au titre de gérant de l'année, hein? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la saison précédente, ils avaient subi 95 défaites. Ouais. Et puis là, de voir Montoyo, tu vas me dire que c'est une saison exceptionnelle, c'est seulement 60 matchs, mais ils ont atteint les séries quand même. Alors, ça, on peut pas lui enlever. T'sais, autant Cash va vivre avec cette tâche à son tableau avec Snell qui a été retiré possiblement trop vite. Dans le cas de Montoyo, là, c'est un fleuron dans son chapeau. Là. Oh, oui, oui. Et il serait intéressant de voir en ce qui concerne les Blue Jays, qu'est-ce qu'on va faire avec Vladimir Junior. Il va. On était à un certain moment très réticents de le retourner au troisième but. Mais là, je pense qu'on pourrait lui donner une autre chance, surtout qu'il a perdu une quarantaine de livres. Les rapports sont moyens, par exemple, hein, apparemment, défensivement, Escobito, ce qu'il joue actuellement dans les ligues diverses, c'est moyen comme rapport. Hein? Ben c'est moyen comme rapport. Dans le cas du jeune Vladimir, il possède un bras précis et très puissant. Ouais. Sa mobilité laissait à désirer auparavant. Mais là, avec 40 livres en moins, je pense qu'il va pas se déplacer un petit peu plus vite. Parce que, moi, j'hésiterais à le retourner au premier but de façon permanente. Là, j'aimerais lui donner une autre chance au troisième. OK. Jacques, également, ce qui s'est passé aussi en 2020, il y a eu quand même des choses intéressantes. Ça s'est arrivé en fin d'année. Comment tu trouves ça, le baseball autorise maintenant ou reconnaît les statistiques des Ligues des Noirs? C'est quand même une belle nouvelle. Ben, il est à peu près temps. Ouais, hein? Écoute, ça a été une page d'histoire très, très, très importante dans l'évolution du baseball aux États-Unis. Ça a pris tellement de temps pour l'arrivée du premier Noir, puis après, ben, il y en a eu plusieurs, mais là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le baseball majeur ne fait rien pour inciter les jeunes joueurs noirs américains à revenir au baseball. Parce qu'il y en a de moins en moins. Oui, il y a une percée énorme des Latins, que ce soit de Cuba, de la République dominicaine, du Mexique, du Nicaragua. Il y en a beaucoup. Des Noirs qui arrivent des pays latins, mais aux États-Unis, on ne fait rien vraiment pour inciter les jeunes. Ouais. Parce que on paye des salaires de famine dans les mineurs, et la progression, ça prend 3 ans, 4 ans avant de se rendre au baseball majeur si on a un talent, pas un talent exceptionnel, là, mais un talent moyen. Alors, le jeune, lui, il dit, ben écoute, moi, je vais m'orienter surtout vers le basketball ou vers le tennis, ou le golf ou le football, parce que le temps d'attente avant d'atteindre le niveau majeur est plus court. Alors, présentement, il va falloir que le baseball majeur réagisse et convainc les jeunes qui sont aux études à travers toutes les universités aux États-Unis, de revenir au baseball un peu, parce que c'est un élément qui manque présentement. Est-ce que tu penses que la réforme du baseball, tu as parlé de salaire de crève-faim, tu penses que la réforme de baseball dans le baseball mineur va améliorer les salaires? Et je le souhaite. Ouais, hein? La seule chose, c'est que il va peut-être avoir un apport important de joueurs assez talentueux, des joueurs du niveau A ou 2A qui vont rebondir dans le baseball indépendant. Mais ça va peut-être enlever plusieurs job à des joueurs canadiens ou des joueurs québécois dans le niveau indépendant, parce que là, il y a un paquet de bons joueurs là, qui étaient au niveau A ou au niveau 2A et qui vont se retrouver sans emploi, ou presque. Ouais. Alors, ils vont se diriger, eux, vers le baseball indépendant, parce qu'il y a beaucoup de dépisteurs qui surveillent ces ligues-là. Ainsi, on peut se faire remarquer et avoir une deuxième chance d'atteindre les majeures. Jacques, l'année 2020 également, il y a eu plusieurs décès dans le baseball majeur. Il y en a eu 4 dans l'espace d'à peu près un mois. C'est incroyable. Gros noms, là, des gros noms dignes de Cooperstown. Lou Brock, Bob Gibson, Tom Seaver. Également, il y avait il m'en manque un là, qui donc c'est des gros noms là. Ah ben oui, écoute, c'est parce que les joueurs de baseball n'échappent pas à la règle, hein? On vieillit tous. Seaver, alors, c'était Jean Béliveau. À un certain moment, là. Pardon? Seaver, c'était Jean Béliveau, hein? Ah ben écoute, c'était un bonhomme qui était tellement gentil. Non seulement il avait le talent, mais il avait la gentillesse. C'était un gars qui refusait jamais les entrevues. C'est contrairement à un gars comme Steve Carlton, qui était rébarbatif à tous les fois qu'il voyait un journaliste se pointer dans le vestiaire. D'ailleurs, il avait demandé à son receveur, Tim McCarver, d'être son porte-parole pour répondre aux journalistes. Il ne parlait pas aux journalistes. Ouais. Mais sauf que lorsqu'il a été admis au temps de la renommée, il courait après les journalistes pour donner des entrevues. Puis les journalistes, ils ont dit, écoute, bonhomme, où étais-tu tant qu'on avait besoin de toi? Ouais. Alors, regarde-toi dans le miroir puis fais ton entrevue toi-même. Oui, effectivement. Jacques, on va faire une pause et on va voir ce qui va s'en aller en deuxième demi. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Jacques Doucet sur les ondes de danseusport.com. Le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité, ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573. BR Metal, avec ses 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. On est de retour à danseusport.com avec Jacques Doucet. Jacques, j'ai hâte de voir ce que les Blue Jays vont faire. J'en parlais justement avec Marc l'autre jour. En entendre parler, ils vont tous venir à Toronto. Toute la gang, on va avoir une méchante bonne équipe. Sauf que moi, je m'en mets à peu près 1-2 qui vont signer à Toronto. Tu as parlé d'un receveur qui serait vraiment intéressant. Il n'y a pas vraiment de gros noms au moment où on se parle qui ont signé encore actuellement. Puis je m'attends pas non plus. Tant qu'on ne savera pas ce qu'on s'en va avec. Ben écoute, c'est difficile de prévenir l'avenir, hein. Il n'y a personne qui a une boule de cristal, là. Mais moi, ce que je prévois, ils vont peut-être signer un ou deux joueurs autonomes. Ouais. Moi, je préférerais avoir un bon quatrième partant. Peut-être un bon releveur aussi, parce que on a certaines carences. Si le jeune Canadien revient en grande forme, ben là, peut-être on peut solutionner une partie du problème en relève. Mais c'est encore. Oui, exactement. C'est qu'on va le voir au camp d'entraînement, tu sais, s'il est vraiment rétabli de ses blessures. Et le jeune Alejandro Kirk, tu sais, comme on en parlait l'autre jour, je pense pas qu'il soit prêt pour le baseball majeur. Mm-hmm. Alors, ça lui prendrait une autre saison, peut-être partager sa saison entre le 2A et le 3A, avant de pouvoir graduer. Mais on a besoin d'aide derrière la marbre du côté des Blue Jays en ce qui me concerne. On avait de très bons joueurs prometteurs, mais ça n'a pas donné. Ils n'ont pas éclos à la dimension qu'on s'attendait. Alors, du côté des Blue Jays, tu sais, je lisais encore sur Internet hier ou aujourd'hui, là, que peut-être que LeMahieu intéressait les Blue Jays, mais ça me surprendrait énormément. D'abord, il va coûter très, très cher. Ouais. Mais... Parle de Springer aussi. Oui, mais ça, ils sont pas tout seuls dans la course, là. Mais je pense qu'ils pourraient solutionner une partie de leurs problèmes en déménageant, du moins, de façon périodique, là, Vladimir au troisième but et confier à Tellez le poste de joueur de premier but régulier. Et puis ensuite, ben, on trouvera quelqu'un pour agir comme frappeur de choix. Oui. Il y a le dossier aussi de pouvoir statuer sur le dossier de Buffalo. C'est pas attrayant pour des joueurs autonomes de venir jouer à Toronto si c'est encore Buffalo qui est le domicile. Ah non, mais les joueurs autonomes, c'est Montoyo qui le disait l'autre jour. Il dit, à tous les fois que je parle à des joueurs autonomes qui pourraient être intéressés à venir à Toronto, et la première question qu'ils posent, c'est où allez-vous jouer? Ben oui, c'est ça. T'sais, on n'est pas intéressé à aller jouer du baseball. Je veux bien croire qu'on fait des bons salaires, là. Mais tu sais, on aime jouer dans un environnement qui est vraiment de calibre majeur. Puis même si on a dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts pour faire du stade de Buffalo un environnement agréable, mais c'est pas un stade de baseball majeur. Alors, on sait que du côté de Toronto, on veut avoir une nouvelle surface pour le terrain au centre... au Rogers Center. Alors, tu sais, si on va installer ça, puis ça, je pense que ça peut intéresser parce que la surface n'était pas idéale. Mais là, avec une nouvelle surface synthétique là, qui va répondre davantage aux besoins des joueurs et qui va sauvegarder le muscle de leurs jambes, là. Disons, ça, c'est un autre élément qui pourrait attirer des joueurs autonomes à Toronto. Alors, mais il faut attendre la décision des autorités médicale du Canada et des États-Unis avant de regarder plus loin. Est-ce que Bonds va rentrer cette année? Bonds, Clemens... Je le souhaite. Ben là, maintenant, c'est parce que... Moi j'étais pour qu'il attende un peu, mais là, c'est la dernière année. Fait que... C'est-tu la dernière année où on est vraiment proche? Fait que, tu sais... Ah oui, non, mais c'est pas la dernière année. Je pense qu'il en reste encore un an ou deux. Ouais. Mais là, je pense qu'on s'est payé, là. Mais là... Écoute, ce qui va les aider, c'est qu'il y a eu un énorme changement de garde parmi ceux qui votent. On est plus jeune, on est plus ancré là, dans les vieux principes. Là. Ah non, t'as fait une faute, faut que tu payes. Là, les plus jeunes ont le pardon plus facile. Puis je pense que dans le cas de Clemens et de Bonds, ben, comme tu dis, ils ont assez souffert. Là. Et puis... c'est parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, puis ils n'ont pas tout pris ceux qui étaient coupables. Hein? Oui, ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. Puis Manny Ramirez, puis il y en a plusieurs. Puis à l'époque, le baseball, on va se le dire, là. On va se le dire, le baseball, là, fait que... Ah oui, puis là, finalement, Larry Walker va être officiellement admis. Ils ont remis de la grève. C'est ça que c'est remis de la grève, puis c'est ça, hein? Ben oui. Fait que... Mais tu sais, comme je disais, d'aller... Et puis finalement, on va voir Larry Walker entrer officiellement au Temple de la Renommée du Canada aussi. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Ouais. On parle de Cooperstown là, pour les joueurs. Alors, moi, j'ai atteint, je pense, le summum avec ma nomination au sein du Temple de la Renommée du baseball canadien. Puis, je m'attendais jamais à ça, je vais être bien honnête avec toi. OK. Donc, c'est une belle nouvelle, effectivement. Mais j'en reviens sur... est-ce que tu penses que Bonds, on l'a fait payer parce qu'il n'a pas été fin avec les journalistes aussi? Il y a l'histoire des... Ah ben oui, mais ça... Mais ça, tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être des Tom Seaver. Non. Alors, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui hésitaient à donner des entrevues de façon périodique. Tu sais, un gars comme Gary Carter, je l'ai souvent dit, moi, c'était un gars qui comprenait vraiment le rôle d'une vedette dans une ville de baseball. Alors, il fallait donner des entrevues, gagne ou perd. On ne se réfugiait pas dans le vestiaire des soigneurs là, lorsqu'on voulait éviter les journalistes parce qu'on avait été 0-4 ou qu'on avait une séquence de 0-15. Mais, tu sais, on était là, par exemple, on courait après les journalistes tant qu'on était 4 en 4 ou 5 en 5. Alors, tu sais, il y a des joueurs qui ne comprennent pas vraiment le rôle, surtout si c'est une grande vedette, de parler aux journalistes, d'être disponible, de signer des autographes. Alors, ça, c'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Ouais. Jacques, il me reste qu'à te remercier, te dire encore une fois de la santé. Oui, très pas plus important. Que ça. On va prendre la santé puis on va se débrouiller avec le reste. Ben, c'est ça, effectivement. Jacques, on se reparle en 2021 à l'ouverture. Parfait. Sois prudent. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Notre ami Jacques qui nous parlait de baseball.